Chapitre 18. Florès et Blanchefleur. Toujours le même soir, en Hongrie, un jardin, ankylotone éclos de l'été qui se fane, tout s'apaise et s'endort sous un ciel diaphane. L'heure est douce et les fleurs s'inclinent sans dédain. Sur un banc que la pluie et la mousse ont verdi, perdu dans l'ombre comme un nid dans l'herbe haute, Florès et Blanchefleur sont assis côte à côte, la pensée indolente et le front alourdi. Ils rêvent doucement à l'absente. Leurs yeux, tristes, évoquent d'elle un geste, une attitude. Ayant même regret et même solitude, ils parlent d'elle encore, bien que silencieux, disant qu'elle est partie aux pays étrangers. Et depuis sans espoir et presque sans nouvelles, ils savent seulement le peu que leur révèle le va-et-vient tardif de rares messagers. Elle, qu'ils ont bercée au creux de leurs genoux, elle, jadis si frêle, elle est peut-être grasse. Ces deux maternités ont pu faner sa grâce, cerner d'un bleu meurtri ses yeux calmes et doux. Tel il rêve le soir, et plein des jours anciens, il s'évade tous deux hors du présent sans joie. Et Blanchefleur soupire, il faut que je la voie. J'ai rêvé l'autre nuit qu'elle me disait, viens. Laissez-moi m'en aller vers elle qui m'attend, et quand je reviendrai bientôt, grave et lassée, pleine encore du bonheur de l'avoir embrassée, nous pourrons tous les deux mourir d'un cœur content. Un peu de brise pleure aux branches en émoi, et Florès, qui depuis longtemps toujours refuse, à voix basse attendrie d'espérance confuse, murmure « Allez, princesse, et parlez-lui de moi ».